Oui. Oui, quoi, c'est marrant. Écoute les vagues. Quand la vague déferle, tu jettes après. Fais un rythme avec les vagues. Un bruit d'eau. Et vous semblez.